Parmi les nombreux poèmes écrits par Arthur Rimbaud entre sa 15e et 18e année, publiés par Verlaine sous le titre Poésies diverses en 1895, donc 4 ans après la mort de Rimbaud, voici les 15 que j'ai choisis et enregistrés pour vous.